C'était il y a un peu plus d'un siècle une solution marginale des équations de la relativité d'Einstein, une hypothèse cosmologique il y a 3 ans. Cette hypothèse s'est incarnée dans une image un peu floue d'un cercle noir nimbé d'une lueur orangée, la première image d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie à 53 millions d'années-lumière de nous. Hier, c'est une image très similaire qui a été assemblée par des radiotélescopes disséminés sur la Terre entière, l'image de notre trou noir, celui de la Voie lactée, juste à côté à seulement 27 000 années-lumière. Nous revenons sur ce succès historique de l'astronomie humaine. Sagittarius à étoiles, intelligence artificielle, archive et Odora, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour commenter cette riche actualité de la semaine, ils sont la lumière scientifique qui éclaire le trou noir de l'obscurantisme contemporain. Rien de moins, oui. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Luc Mangin. Bien le bonjour. Rédacteur en chef des hors-séries de Pour la Science et bonjour Blaise Mao. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef d'Ouzbek et Rika. Mais on commence par celle dont le pouls bat au rythme de l'actualité scientifique et de la progression de la connaissance humaine chaque jour. Oh là là, bonjour. C'est Nicolas. Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science Advances. Il y aurait eu de l'eau sur Mars beaucoup plus récemment que nous ne le pensions. Aujourd'hui, Mars est un monde sec et aride, mais on sait qu'autrefois, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, avec des océans. La grande question, c'est jusque quand et pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars suffisamment longtemps pour que la vie puisse émerger? Alors la Chine, qui est la deuxième nation à être sur le sol martien après les États-Unis, explore la planète grâce à son rover Zhurong depuis 2021. Et c'est une découverte assez excitante, car le rover a identifié des minéraux hydratés qui ont ensuite été analysés par les deux spectromètres embarqués. Il se trouve que Mars, la petite cousine froide de la Terre, a une histoire plus humide, plus récente et pendant plus longtemps qu'on ne le pensait. Athéna Koustenis est astrophysicienne et planétologue à l'Observatoire de Paris. Nous, les scientifiques, ont longtemps émis l'hypothèse qu'avec de l'eau liquide coulant à sa surface pendant plus d'un milliard d'années, Mars avait autrefois des océans, des continents et une atmosphère dense. Donc c'était une petite sœur de notre Terre et qui se trouvait dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité du système solaire. On a pensé que depuis longtemps maintenant, Mars est passé de cette époque humide et habitable à une époque géologique plus récente qu'on appelle l'amazonienne, qui a commencé il y a environ quand même 3 milliards d'années, hein, avec des conditions froides et sèches. Et l'étude maintenant qui a été faite avec des nouvelles données acquises par la mission chinoise Tianwen-1 et son robot qui s'appelle Zhurong, on a des preuves que l'eau coulait sur la surface de Mars à l'époque amazonienne, c'est-à-dire cette époque très récente. Et ça indique que l'eau liquide a peut-être façonné la surface martienne au cours de son histoire géologique récente. Et je voudrais franchement insister sur le fait que ces données qui ont été recueillies à l'aide des instruments sur Zhurong, son spectromètre, une caméra de micro-imagerie télescopique et un spectromètre infrarouge à ondes courtes, ça mesure la minéralogie de la surface martienne sur des distances de 2 à 7 mètres en gros. Et là, si on découvre effectivement, comme l'a montré cette étude, que nous avons des quantités importantes d'eau sous forme de minéraux hydratés, c'est des composés qui sont formés par l'union de l'eau avec notre substance, en l'occurrence les minéraux, et ben cette eau-là, elle a pu être due à la montée d'eau souterraine à la surface ou à la fonte de la glace sous-jacente. Et à ce moment, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui encore, nous pouvons avoir de l'eau sous la surface ou peut-être de la glace. Et c'est extrêmement important, ça remet toutes les possibilités sur la table pour savoir qu'aujourd'hui, peut-être que sous la surface de Mars, il y a encore de l'eau dont on peut se servir pour des investigations aussi bien scientifiques que plus tard, peut-être pour une exploration humaine. Et pour remonter à la source et retrouver l'étude publiée dans CN726, comme d'habitude, vous pouvez vous connecter à notre compte Twitter, @laméthodefc, et ces liens seront évidemment, comme à chaque fois et comme chaque jour, postés également sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude fraîchement sortie des laboratoires français, étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, qui apporte un nouvel éclairage sur les vestiges de la supernova de Kepler. Les vestiges de supernova, c'est ce qu'on peut observer des millénaires après l'explosion d'une étoile. La supernova de Kepler tient une place particulière dans l'histoire de l'astronomie. C'est l'une des rares supernovas à avoir été observée à l'œil nu depuis la Terre. Par une nuit d'octobre de 1604, un nouveau point brillant est apparu dans le ciel, une supernova, aussi brillante que Jupiter et visible pendant plus d'une année. On l'appelle aussi la supernova de Kepler, parce que Johannes Kepler a rédigé un manuscrit à son sujet. Alors, 400 ans plus tard, on peut voir comment cette supernova évoluait. Jusqu'à présent, on avait observé ses vestiges dans l'infrarouge, l'optique, les rayons X, mais il nous manquait une longueur d'onde, les rayons gamma, et c'est chose faite grâce aux données de l'observatoire spatial Fermi, et cela nous permet de mieux comprendre le phénomène d'accélération des rayons cosmiques. Fabio Essero est chercheur au département d'astrophysique du CEA, il est l'auteur principal de cette étude. Une des particularités de ces vestiges, c'est qu'ils ont une onde de choc, qui est la suite de cette explosion, qui se propage à de très grandes vitesses, de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Et on pense que ces ondes de choc peuvent permettre d'accélérer des particules du milieu ambiant, et ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Et on se pose la question depuis plus d'un siècle, d'où peuvent provenir ces rayons cosmiques que l'on observe depuis la Terre, et les vestiges de supernova, les ondes de choc, sont un de ces candidats. Et en regardant en rayon gamma, donc dans une des longueurs d'onde spécifiques, on peut sonder l'accélération de ces rayons cosmiques. Et donc dans cette étude, on a détecté pour la première fois l'émission en rayon gamma qui provient de ce vestige de supernova, et il nous renseigne sur qu'il y a bien de l'accélération de particules qui est efficace au choc de ce vestige de supernova. Et donc ça apporte une des briques supplémentaires pour comprendre l'origine de ces rayons cosmiques, par exemple dans cette vestige de supernova qui est très jeune et qui est dans notre galaxie. La lumière est composée de différentes longueurs d'onde et chacune amène une brique du puzzle. C'est comme si on regardait un objet sous différents angles et chaque facette va nous donner un aspect complémentaire de cette histoire. Et les rayons gamma peuvent permettre de sonder en particulier les rayons cosmiques qui sont des protons, des ions. Et c'est dans cette longueur d'onde-là qu'on peut sonder cette population de particules. Alors que dans les autres longueurs d'onde, on est plutôt sensible à les électrons qui sont accélérés. Et évidemment, la matière est composée d'électrons, de protons et d'autres choses. Et donc on veut, dans ce rayonnement cosmique, pouvoir sonder cette partie en particulier de la population de particules. Comment sont accélérés et dans quel objet sont accélérés les rayons cosmiques qui sont présents partout dans notre galaxie. Et depuis 1912, avec une expérience de Victor Hess dans un ballon en montgolfière, qu'il a découvert ces rayons cosmiques, qui ne sont pas donc des rayons de lumière, mais vraiment des particules chargées. Et depuis une centaine d'années, donc, on cherche l'origine de ces particules et le mécanisme qui permet de les accélérer. Également dans l'actualité scientifique, cette semaine, Natacha en ultra bref. Cette semaine, la vague de chaleur qui frappe l'Inde et le Pakistan depuis la fin avril se renforce. Le seuil maximal de chaleur humide que l'être humain peut supporter est largement dépassé et il fait si chaud que des oiseaux tombent du ciel. Le mercure va encore augmenter ces prochains jours. Certaines régions devraient subir des températures à plus de 50 degrés. Cette semaine, une étude prouve que le manque de sommeil modifie notre façon de percevoir les autres. Une quarantaine de participants ont dû regarder des images de visages après une nuit de 8 heures et une nuit blanche. Les tests de suivi oculaire ont montré qu'avec une nuit courte, notre regard se fixe moins sur le visage des autres. De plus, privés de sommeil, nous percevons différemment les expressions faciales et nous avons tendance à percevoir l'autre comme moins attractif et moins digne de confiance. Et enfin cette semaine, on découvre que certaines araignées tropicales peuvent se cacher sous l'eau. Les chercheurs ont observé une ravissante Trecalea extensa fuir un prédateur et se réfugier sous l'eau pendant 30 minutes. Cette araignée ne fait pas d'apnée, mais avec les poils duveteux de son corps, elle capture et conserve autour d'elle une bulle d'air. ferai attention la prochaine fois que vous prenez un bain, Natacha. On termine, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable. La NASA a dévoilé une bien étrange photo de Mars qui est devenue virale. Oui, après la cabane extraterrestre photographiée sur la face cachée de la Lune, voici la porte martienne. Alors, sur le cliché pris le 7 mai par le rover Curiosity de la NASA, on voit dans un rocher ce qui ressemble à une porte troglodyte parfaitement taillé dans la roche et qui donne sur un couloir souterrain comme une porte d'entrée d'une pyramide. Alors ce n'est pas le portail d'un grand temple martien, mais il s'agit plus probablement d'une fracture par cisaillement de la roche et surtout d'un effet d'optique. Eh bien merci, bien, bon bain. Non. Et à lundi pour le prochain journal des sciences. Des centaines d'heures d'observation sur des radiotélescopes répartis sur 4 continents, 300 chercheuses et chercheurs issus de 80 instituts, des milliers d'heures d'analyse de données sur plus de 5 ans de travail, une technologie de pointe pour convertir ces données en une image qui a été révélée hier. To share the result, we will be flying into the heart of the galaxy, some 27,000 light years away from us. We will do that in 45 seconds. That's a violation of Einstein right away, but maybe that's probably the only violation of Einstein. So we start out from the plains of Chile, where the ALMA telescope is located, and we're going to zoom in to Sagittarius, the Archer, which is high in the sky above the northern Chile. And we will go and zoom in first in the optical, but we have to switch to the infrared because there we can penetrate all the way into the galaxy. We leave tens of millions of stars behind and we get to the place where stars are in orbit around a dark spot. And when we switch then to our radio eyes and we use a network of telescopes to resolve further and further, I can present to you the image of Sagittarius star, the black hole at the galactic center. Voilà l'annonce hier à l'ESO de cette première image de Sagittarius à étoile, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée. Si vous l'avez raté, nous avions hier Éric Lagadec pour en parler, pour commenter cette image à chaud. On voulait y revenir aussi aujourd'hui parce que bien ce type d'annonces scientifiques sont, on va le dire, assez rares, assez importantes. C'est la deuxième fois que l'on arrive à photographier, alors à photographier, ce n'est pas exactement une photo, mais à reconstituer une image à partir de données de radiotélescope d'un trou noir. Simplement, j'avais envie de recueillir vos sentiments parce que effectivement, ce sont des annonces assez rares quand on est journaliste scientifique de recevoir ces petits pas qui constituent notre savoir collectif, assister à la progression de la science. Qu'est-ce que ça vous a fait, Olivier, vous, quand vous avez vu cette image hier? Alors, la première réaction, c'est waouh, hein. Alors, c'est un waouh qui est coloré par déjà une certaine forme d'habitude, puisque vous l'avez dit, on avait déjà eu une première image d'un trou noir en 2019, mais c'était un trou noir lointain. Là, on a notre trou noir à nous, hein. Il est 2000 fois plus proche que le précédent. Et paradoxalement, c'est une raison pour laquelle on se disait qu'on l'aurait peut-être le premier, mais il y a plein de raisons qui font que non, c'était pas possible. Donc, évidemment une joie terrible et qui est colorée par un deuxième niveau, un deuxième effet qui se coule, c'est que on voit que cette joie, elle s'est répandue dans toute la sphère médiatique. Et ça, c'est quand même un argument très positif pour nous qui travaillons dans le champ des sciences et qui nous désolons de voir que souvent des découvertes, des avancées scientifiques importantes, formidables, restent cantonnées dans notre giron et auprès de nos seuls lecteurs, qui sont formidables, mais qui ne représentent qu'une seule partie de la population. Et on aimerait bien voir cet engouement se diffuser partout. Et hier, c'était l'explosion, hein, sur le web, sur tous les sites, hein, tous les médias parlaient que de ça. Ils en parlaient différemment, ils en parlaient avec leurs mots, c'était pas toujours les propos n'étaient pas toujours la même profondeur, mais quand même l'enthousiasme il était là, il était partagé, et ça je dirais que sur la joie de la découverte elle-même, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Loïc, comment vous l'avez vécu? Pareil, je partage l'enthousiasme d'Olivier sur cette photo qui quand même effectivement est assez exceptionnelle, parce que on peut rappeler que ça correspond. C'est comme si on prenait la photo de l'empreinte de Neil Armstrong sur la Lune, quoi, depuis la Terre, en termes d'espace angulaire. Il y avait une autre image que nous donnait Éric Lagadec hier, qui a été donnée, je crois, par les eaux, que je trouve assez amusante, c'est de dire qu'on peut prendre la photo depuis Paris de quelqu'un qui boit une bière à Marseille, mais d'une bulle de la bière. Voilà. C'est ce niveau de résolution-là. Voilà. Et pour le coup, le communiqué de l'EHT parle d'un beignet sur la Lune, puisque c'est à la même échelle. Et pour le coup, l'image d'un beignet correspond assez bien à ce qu'on a pu voir sur la photo d'un trou noir. À nouveau, un peu, prendre un peu cette idée avec des pincettes, puisque c'est un trou noir, finalement, on n'émet pas de lumière. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui est autour. Et on y reviendra peut-être, effectivement, pourquoi celui-là a été plus compliqué à observer que le précédent M87. De par plein de paramètres. Mais donc, à nouveau, oui, j'ai l'impression qu'on est en astrophysique, en tout cas, nous, journalistes scientifiques, un peu vernis. Parce qu'entre ça, les ondes gravitationnelles, etc., on est vraiment, c'est le bonheur, quoi. Blaise, votre sentiment? Triple émerveillement, en fait. Olivier l'a dit, c'est notre galaxie. Il y a cette incroyable confirmation de la relativité générale d'Einstein, qui, je pense, joue aussi dans l'impact médiatique et l'écho de cette photo. Et puis, émerveillement peut-être plus technique, peut-être plus là pour ceux qui s'intéressent vraiment aux aspects technologiques des questions qui concerne l'espace. C'est pas une photo, en fait, qui a été prise. C'est un assemblage. Alors, le terme technique, c'est interférométrie à très longue base. Mais donc, c'est la combinaison d'informations faites par une dizaine d'instruments. Évidemment, aucun instrument ne peut seul prendre une photo d'un beignet sur la Lune. Il faut quand même le rappeler. Et c'est ce qui rend le truc encore plus fascinant, quoi. C'est-à-dire qu'on est pour constituer une antenne géante qui ferait l'équivalent de 9000 km de diamètre, je crois, soit presque la taille de la Terre. Donc c'est le gigantisme aussi. Il y a trois niveaux d'émerveillement. Moi, j'ai testé auprès d'un très très jeune public la photo quand elle est sortie et que j'ai découverte. Je peux vous confirmer que ça émerveille à tous les âges, en plus, cette image, quoi. Il y a effectivement cette interférométrie, puisque je rappelle que ce sont des radiotélescopes qui ont permis cette combinaison de radiotélescopes qui s'appelle Event Horizon Telescope, dont certains se trouvent à Hawaï, au Chili, où j'étais il y a quelques semaines, en Europe et en Asie, qui permettent de faire une sorte de télescope gigantesque et virtuel et d'assembler cette image. Il y a quelque chose aussi dont je voudrais vous parler, parce que justement j'en parlais pas plus tard que ce matin avec une interview que je faisais pour la série documentaire que je vous prépare pour cet été à propos de ces télescopes du Chili, où on va passer l'été à regarder les étoiles ensemble. Et je parlais avec un astronome qui dit, mais en fait il y a aussi quelque chose qui aujourd'hui, me semble-t-il, est important, c'est de montrer la coopération scientifique internationale. C'est-à-dire que cette image est rendue possible parce que plusieurs nations, plusieurs instituts, plusieurs organismes, des chercheurs de tous les pays réussissent à travailler ensemble et à fournir cet effort scientifique conjoint qui permet de faire des pas, et des pas géants dans la connaissance. Et on se rend compte que cette coopération internationale, elle est centrale, elle est efficace, et il faut dire que dans le contexte actuel, elle est assez réjouissante. Olivier. Oui, la science est une entreprise par essence internationale, et effectivement cette image reconstituée du trou noir central de notre galaxie en est la preuve. Effectivement, vous faites référence, Nicolas, à l'actualité, et on pense à la Russie et à l'Ukraine. Avec la guerre lancée par Poutine en Ukraine, on a vu que ça avait des considérations sur la science, sur les collaborations internationales, sur le fait que les scientifiques ukrainiens ne pouvaient plus travailler, que les scientifiques russes, à leur corps défendant, se retrouvaient otages de cette situation et aussi dans l'incapacité de continuer à travailler. Donc cette démonstration de l'international des sciences, on en avait la démonstration d'un point de vue négatif, c'était le côté obscur à cause de la situation de la guerre, et là on en voit l'émerveillement, hein, puisque cette image, elle n'est pas simplement, elle n'a pas des vertus uniquement décoratives, hein, c'est aussi une preuve scientifique, puisque c'est finalement la démonstration que c'est bien un trou noir qui est au centre de notre galaxie, puisque jusqu'à présent, il y avait tout les arguments qui pointaient vers le trou noir, mais là, on a enfin finalement la taille de cet objet dont on savait qu'il avait une masse phénoménale, et sa taille contrainte par rapport à cette masse formidable fait qu'on est vraiment dans le scénario du trou noir. C'est 4 millions de masses solaires, c'est ça, de mémoire? 4 millions de soleils, ouais. Ouais, 4 millions de masses solaires. Alors que M87, c'était à peu près 6 milliards de masses solaires. C'est ça, c'est beaucoup plus long. Il est beau, il était plus facile. Alors justement, Loïc, parlons-en, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, avec un peu de recul, que finalement, la première image du trou noir que l'on ait, c'est celle d'une galaxie à 57 millions d'années-lumière extrêmement lointaine, alors qu'on a plus de mal à avoir l'image de ce qui est juste à côté de chez nous? Alors, bon, pour le coup, les objets sont un peu, de par leur éloignement respectif, finalement, ils ont à peu près la même taille vue de la Terre, quoi. Seulement, celui de M87 tourne beaucoup moins vite. Et en fait, ce qu'on détecte quand on prend ce genre d'image, c'est les émissions lumineuses du gaz qui tourne autour du trou noir. Et puisque celui de M87 est très gros, le gaz, finalement, a une période qui se compte en jours, voire en semaines. Donc, ça permet des photos avec des temps de pause plus long que ce qui a dû être fait pour Sagittarius A étoile, parce que là la période de rotation elle se compte en minutes. C'est comme si, bon, je reviens sur le communiqué de l'EHT, c'est comme si vous essayiez de prendre en photo un chiot qui court après sa queue, et ça va très très vite, donc du coup ça oblige à des prouesses techniques beaucoup plus importantes que celles qui ont été déployées pour M87. Par ailleurs, comme on fait partie de notre propre galaxie, il y a beaucoup de choses entre ce trou noir et nous, et donc il faut en prendre compte et pouvoir finalement éliminer le signal de ces nuages de gaz qu'il y a entre Sagittarius A étoile et nous, et donc à nouveau ça oblige à des compétences techniques qui sont plus importantes que celles qui ont été utilisées pour M87. Et cette image d'un trou noir qui est très très similaire à celle de M87, c'est aussi important dans le sens où c'est une confirmation que, et c'est certainement ce que vous disiez, Blaise, et moi qui ne cesse de m'émerveiller, le fait qu'on ait pu décrire ces objets théoriquement il y a plus d'un siècle, et aujourd'hui se rendre compte que cette théorie physique, elle est exactement à l'épreuve de la réalité. Oui, puisque donc en un mot, hein, c'est que la théorie de la relativité générale, c'est qu'il se passe toujours la même chose juste à l'extérieur d'un trou noir, quelle que soit sa masse. Là, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on observe avec ces images et les prédictions de la théorie d'Einstein. Donc c'est ça qui est bluffant. Et ce qui me bluffe encore plus, et qui, je pense, est à relier à ce qu'on disait sur la coopération internationale, c'est que ces deux images, M87 et celle de notre galaxie, enfin les trous noirs en question, pour être plus précis, sont élus du même lot d'observations, c'est-à-dire un lot de 2017. On est sur des images reconstituées, saisies en 2017, croisés de manière extrêmement complexe pendant donc un délai de 2 ans, 5 ans là en l'occurrence. Je trouve que ce sujet, trou noir, il nous plonge. C'est ça aussi qui est merveilleux dans un nouveau rapport au temps long. Je crois qu'il y a eu des problèmes techniques sur les dernières années. Il y a eu le Covid aussi qui a gelé aussi évidemment ces travaux-là. Du coup, je crois que les prochaines images attendues de trous noirs à la hauteur de celles qu'on a eues hier, c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et je trouve super ces petits pas et ce nouveau rapport au temps long d'une vraie saga qui s'inscrit à l'échelle du siècle, quoi. Ça, c'est, il y a tellement de sujets où on est pris et puis on zappe et on passe à autre chose. Là, on est vraiment dans une histoire en train de s'écrire. Qu'est-ce qu'elle nous raconte de plus finalement, Olivier, ces images de trous noirs? Outre le fait qu'elles viennent confirmer la théorie, est-ce que c'est juste la satisfaction de se rendre compte que on avait vu juste, ou est-ce qu'elle ouvre effectivement une nouvelle porte dans la façon dont on va observer les étoiles? Est-ce qu'à un moment donné on peut imaginer, voir d'autres formes de trous noirs qui soient pas des trous noirs supermassifs, réduire l'échelle et arriver à d'autres formes d'observation? Quelles sont les portes qui sont ouvertes finalement par ces images-là? Oui, c'est que le début de l'aventure, hein. C'est la scientifique qui est à l'origine de l'algorithme qui a permis de reconstituer les images Cathy Bowman, hein, qui dit ça dans un entretien qu'elle a fait hier, juste après que cette image ait été dévoilée. Elle dit que c'est uniquement le début de l'aventure, parce que c'est la preuve que toute cette technicité, elle permet d'aboutir à des résultats concrets. On attend de voir peut-être bientôt une séquence vidéo façon time-lapse, c'est peut-être ça la prochaine production, prochaine étape. Donc c'est une perspective qui est assez vertigineuse, parce que effectivement, par rapport aux ondes gravitationnelles, par rapport aux grandes découvertes de la physique, le trou noir a une portée fantasmagorique extraordinaire qui est sans équivalent. Donc oui, pourquoi pas découvrir de nouvelles natures de trous noirs. On sait que certaines galaxies peuvent en avoir toute une série en ribambelle. Peut-être qu'on ça, par définition, ça donnera peut-être lieu à une imagerie fondamentalement différente, des constellations de trous noirs. Je ne sais pas, les termes ne sont pas les bons, mais il y a des perspectives qui sont excitantes et qui donnent envie de s'abonner à nos journaux respectifs pour de nombreuses années encore. Et de continuer à écouter évidemment la méthode scientifique. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, d'ailleurs, un auditeur fidèle de la méthode scientifique qui est féru de science-fiction poste justement des photos et évoque l'ancien film de Disney, Olivier Lascar. Ah, j'adore ce le film. Le trou noir. Oui, avec Maximilien Schell en grand méchant, c'est absolument magnifique. Non, mais c'est intéressant, Loïc, de voir à quel point effectivement cet objet a été source de fantasmes. J'ai pu voir hier, avant la publication, passer des articles en disant « Est-ce que le trou noir au centre de notre voie lactée est un trou de verre ». Enfin, il y a effectivement aujourd'hui aussi, et il faut le rappeler, autour des trous noirs, encore une physique théorique qu'il faut compléter, qu'il y a des apories, il manque encore de la connaissance autour de ces objets, et petit à petit, on commence à s'en approcher de plus en plus, et qu'est-ce qui nous reste à découvrir en fait ? C'est peut-être la porte ouverte vers la solution à des grandes énigmes de la physique contemporaine. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête, mais il y a quand même plusieurs grandes inconnus dans l'univers. Enfin, on peut rappeler juste qu'on connaît 1% du contenu de l'univers. Le reste, c'est de l'énergie sombre et de la matière noire. 4%. 4%. Ah, ça a augmenté depuis la semaine dernière. Alors. 4%. Le reste, c'est de la matière noire et de l'énergie noire. Et donc, et pour le coup, certains s'interrogent, est-ce qu'on peut chercher une explication du côté, justement, des trous noirs ? Alors, peut-être pas des supermassifs, mais des micro-trous noirs, par exemple. Des trous noirs intermédiaires. Des trous noirs intermédiaires. Donc, à pouvoir sonder ces trous noirs, on n'y est pas encore, hein. Il y a une question de taille évidemment, mais c'est un premier pas et peut-être que on va finir un jour par résoudre les grandes énigmes de la physique via l'étude des trous noirs. Et peut-être qu'on peut aussi imaginer, alors ça je sais pas dans quelle mesure c'est envisageable, mais de concilier imagerie trous noirs et ondes gravitationnelles, détection d'ondes gravitationnelles. Ça fait partie aussi des futures grandes réalisations, ou en tout cas des futures grandes installations technologiques que l'on attend dans le futur. Il y a l'ELT, donc le futur Extremely Large Telescope avec son miroir primaire de 40 mètres. Il y a le futur du CERN, le futur du LHC, le FCC, le grand collisionneur qui fera 100 km de circonférence. Et puis l'ISA, l'interféromètre dans l'espace qui devrait permettre de détecter de manière beaucoup plus fine des ondes gravitationnelles, avec l'hypothèse de pouvoir trouver peut-être un jour les ondes gravitationnelles primordiales émise par le Big Bang. Sur cet objet fantasmatique du trou noir, Blaise Mao. Ben moi, j'avais en tête, en écoutant Olivier commencer par le mot « waouh », je pensais aux artistes. On a parlé de l'audience et du succès de cette information sur les sites généralistes. Je trouve très intéressant de regarder comment, depuis hier, des artistes se saisissent aussi de ces photos pour faire des détournements. Alors il y a le wow avec les deux photos et les W autour, qui est, on va dire, un peu facile, mais il y a déjà des, voilà, ça y est, c'est en train de s'imposer dans un imaginaire humain collectif. C'est assez rare quand même, les sujets qui comme ça s'imposent de manière immédiate, sans délai. Et donc moi je pense qu'il faut suivre. Je pense que le soufflet va pas retomber aussi vite que ça. C'est l'œil de Sauron. C'est un peu, mais voilà, ça fait appel à l'œil de Sauron, ça fait appel à... tout le monde avait glosé il y a 2 ans sur le sourire, puisqu'on avait seulement une des trois faces sur la couronne. Sur M87. Sur M87, voilà, et là on a le... Voilà, sur ce, un dernier mot, peut-être un mot de conclusion sur cette image-là, et peut-être sur le futur en fait de l'astrophysique ou de l'astronomie. C'est vrai qu'on maintenant on commence à avoir imagé bien la majeure partie des objets de l'espace. Le trou noir, ce serait quoi l'étape d'après, Olivier, à votre avis? Bonne question. Alors les trous de verre, non? Enfin, imaginez, je sais pas, mais c'est quand même là aussi cette sorte de porte cachée vers un ailleurs dont on ne sait pas ce qu'il peut être, on peut même pas l'imaginer. Là on touche du doigt des questions vertigineuses. Oui, je ne pourrais pas citer autre chose de plus frappant. On verra en tout cas cette image-là, vous pouvez la voir, on vous l'a postée évidemment sur le site franceculture.fr et puis j'en profite donc pour vous rappeler que on va pouvoir aussi, vous allez pouvoir entendre cet été toute la technologie et la technologie invraisemblable qui se cache derrière ces réalisations scientifiques, puisque j'ai eu la chance de me promener au Chili pour visiter ces télescopes, notamment le réseau de radiotélescopes ALMA qui est à côté de San Pedro de Atacama, qui est 5000 mètres d'altitude, 64 antennes, encore une fois une collaboration internationale entre l'ESO, les États-Unis et l'Asie, et de comprendre finalement le niveau invraisemblable de technicité qu'il y a derrière. Et vraiment, moi j'ai été, et je peux vous le dire d'ores et déjà, assez sidéré par le niveau d'intelligence, de génie humain pour réussir à créer ces machines, pour arriver à ce niveau de technologie-là, avec pour objectif juste d'augmenter la sphère de la connaissance collective et humaine. Et c'était, j'espère, vous emmener dans ce voyage que j'ai eu la chance de faire, parce que c'était vraiment un voyage intellectuel et assez poétique et passionnant. Et voilà, on vous en donne des nouvelles très rapidement cet été. On va passer à nos dossiers du jour. C'était Brendan Benson, Insect Rules à 16h32 sur France Culture. On va parler des insectes dans quelques minutes, mais pour notre premier dossier, eh bien, la pandémie a modifié un certain nombre de choses dans nos vies, vous n'êtes pas sans le savoir. L'une d'entre elles concerne les publications scientifiques. L'écrasante majorité des informations que l'on vous donne à ce micro, à cette antenne, dans le Journal des Sciences, proviennent de revues que l'on appelle à comité de lecture, mais en amont de ces publications, sont apparus il y a une trentaine d'années les pré-publications, on appelle ça des pré-prints, et ces pré-prints ont pris petit à petit de plus en plus de place jusqu'à bousculer, Blaise, le modèle classique d'édition scientifique. Vous nous parlez du tout premier de ces sites qui s'appelle Archive. Exactement, Archive. Alors en français, on dirait Arxiv, hein, puisque ça s'écrit A-R-X-I-V, grand X-I-V, mais je vais quand même prononcer Archive, c'est beaucoup plus classe. Archive qui est présenté parfois un peu abusivement comme le Wikipédia de la recherche scientifique. Donc catalogue d'études scientifiques accessibles en ligne, créé il y a 30 ans, vous l'avez dit Nicolas, et qui a dépassé, c'est pour ça qu'on en a parlé sur le site d'Uzbekerica, qui a dépassé début 2022 le cap des 2 millions de publications sur la plateforme. Donc 2 millions d'études disponibles gratuitement, librement, en intégralité, c'est-à-dire sous la même forme que dans des revues spécialisées, mais grande différence, très grande différence avec les revues classiques. Donc celles qui sont publiées sur Archive peuvent être publiées sans avoir subi au préalable l'épreuve de la relecture par les pairs. Ce passage obligé pour se voir publié en bonne et due forme dans Nature ou The Lancet, par exemple, pour citer peut-être les deux plus fameuses. Mais c'est la raison d'être. C'est pas un point faible. Je vais y revenir. C'est la raison d'être d'Archive, donc fondée en 91 par un physicien américain qui s'appelle Paul Ginsberg, formé à Harvard, passé à Los Alamos. C'est quand il était à Los Alamos qu'il a créé ça et qui aujourd'hui est rattaché à l'université de Cornell, qui héberge la plateforme. Ginsberg, à l'époque, voulait offrir à lui et à ses collègues physiciens un mode d'accès rapide aux derniers travaux de recherche sans attendre la publication officielle, puisqu'avant, il fallait attendre des mois, voire des années de recherche sérieuse, et il fallait attendre que vos universités et vos établissements s'abonnent à ces revues, et donc c'était un petit peu lent. Surtout, ce qui était intéressant et ce qui était très novateur lorsque Archive a été fondé, c'était l'idée de dire qu'effectivement, en amont de la publication, on livrait finalement son papier à la communauté en attente justement de remarques, de modifications. C'était effectivement une sorte de début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'open source et l'open access. Et l'open access. C'est vraiment de l'open access. Ouais. On est 2 ans après l'invention du World Wide Web, qui était en 89. Donc c'est une des premières plateformes remarquables de ce point de vue-là qui a cette philosophie des premiers de l'internet naissant, enfin du web naissant plutôt. Et donc site de dépôt d'articles gratuits et ouverts. Au départ, uniquement réservé à un domaine particulier qui était celui de Ginsberg, qui était la physique des particules, puis aux mathématiques, puis à l'informatique, à l'astrophysique. Et très vite, c'est des milliers d'articles qui sont mis instantanément. Et surtout, le modèle a très vite fait des émules. Il a très vite fait des petits clones comme Bio ErgSiv et Mad ErgSiv, qui sont dédiés, comme leur nom l'indique, à la biologie et à la médecine. Et surtout, Bio Archive et Mad Archive, donc. Voilà. On le dit correctement. Dans la bonne langue. J'ai francisé, je me suis dit que c'était. Et surtout, en France, ça a inspiré HAL. Qui est créé en 2001, donc qui est la plateforme d'archives ouvertes multidisciplinaires qui a derrière le CNRS, et qui est un point d'entrée vers les données d'archive. Donc on parle c'est des préprints, c'est des e-prints aussi, on parle de e-print pour qualifier ces articles, mais ça a été quand même, là on en parle comme si c'était installé, et c'est installé dans les pratiques des chercheurs, mais ça a été une révolution culturelle, et ça a été une vraie guerre au début avec les revues. Avec les éditeurs officiels. Ouais, ça a été très compliqué. Il faut dire, Blaise, néanmoins, qu'un papier publié sur Archive n'a pas tout à fait la même valeur scientifique qu'un papier publié dans une revue à comité de lecture. Exactement. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a toutes les étapes de validation progressive du papier. Et donc, vous pouvez avoir le premier préprint et vous pouvez avoir à l'issue de plusieurs relectures et à l'issue du processus de relecture. C'est même intéressant d'un point de vue pour les historiens. Vous pouvez regarder l'évolution des publications. Donc, il y a cette possibilité de regard un peu dans le rétro une fois que tout est publié. Il y a eu des études remarquables publiées sur Archive qui n'étaient pas dans des revues officielles. Je pense à Grigory Perelman, médaillé Fields, mais qui avait refusé sa médaille Fields, donc le mathématicien russe, pour ses travaux sur la conjecture de Thurston, donc en géométrie. C'était 2002, novembre 2002, il publie sur Archive son étude, validée officiellement 4 ans plus tard, donc pour vous donner une idée du délai qu'il faut, au moins 4 ans sur ce type d'étude, et c'est derrière il a la médaille Fields. Donc il y a eu aussi des travaux assez remarquables. Ce qui est intéressant, c'est que les Archive a tordu en fait le modèle qui était très rigide des revues officielles, qui ont été obligées de se mettre à la hauteur de cette promesse, en tout cas de cette nouvelle porte ouverte par l'open access. Les critiques qui sont faites à ces sites de prépublication Archive, MedArchive, BioArchive, c'est de dire mais finalement on peut publier tout et n'importe quoi puisque ça n'est pas relu, ça n'est pas confirmé par la communauté et donc il peut y avoir de la junk science. Et donc et parfois d'ailleurs des papiers sont rétractés, sont retirés parce que sont considérés comme étant de mauvaise qualité, voire frauduleux. Argument recevable, mais argument incomplet, car sur Archive, il y a bien des modérateurs, chercheurs salariés et chercheurs bénévoles qui vérifient les articles avant publication et après publication et qui suivent l'évolution des préprints pour éviter les erreurs les plus grossières. Si jamais une erreur est publiée, elle est tout de suite repérée, corrigée et au besoin, l'étude est retirée. Donc, il n'y a pas cet argument, on va dire, est à double tranchant. En tout cas, il est à la fois entendable et critiquable. Et le contre-argument est que les revues à comité de lecture n'empêchent pas non plus et les fraudes et les erreurs, et les puisque erreurs. Certains papiers sont retirés. Voilà, vous parliez du Covid tout à l'heure. On a beaucoup parlé ici dans cette émission de la fameuse étude de The Lancet en mai 2020 qui avait été publiée trop vite sur lesquelles beaucoup sur des données frauduleuses. Voilà, autour de l'hydroxychloroquine qui a malheureusement été reprise par plein de voix anti-vax et complotistes et qui a pas fait un bon coup de pub, on va dire, à la rigueur des revues officielles. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu quand même une offre qui a été développée par Nature ou The Lancet qui s'appelle les APC en anglais, donc c'est Article Processing Charges, donc c'est un système de frais de traitement des articles qui permet de publier en préprint sur ces revues officielles contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc en général, c'est des sommes autour de 1000 euros. Chez Nature, c'est plus cher, c'est 9500 euros. Mais voilà, ça, c'est une des avancées de Archive. Ça a obligé... Elles inventent un autre modèle économique. Loïc Mangin est consterné. Alors, en gros, on paye pour que l'article soit gratuit. Quoi. C'est ça, pour qu'il soit accessible, en tout cas, exactement. Et c'est intéressant parce que c'est ce que nous dit... On a interviewé dans notre enquête, notre journaliste Hugo Ruher a été voir l'association Couperin, dont la mission consiste justement à négocier les montants de ces APC pour favoriser le libre accès. Et Christine Ollendorf, elle n'hésite pas à parler de prédateurs. Quand elle parle de ces revues-là, elle dit qu'ils augmentent les montants au-delà du raisonnable, en promettant une plus grande qualité, mais de quelle qualité on parle, puisqu'en fait on paye pour être gratuit, exactement. Ce qui est intéressant et ce qui a changé pour conclure, et notamment avec la pandémie, c'est que évidemment on avait besoin de science, d'études rapidement. Le processus de revue par les pairs prend du temps, plusieurs mois naturellement, même si durant la pandémie les délais ont été raccourcis, et donc on a tous et toutes eu beaucoup recours notamment à Bioarchive ou à Medarchive pour avoir ces prépublications. Et on voit aujourd'hui finalement que ces deux systèmes ne sont pas tellement concurrents, mais complémentaires. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, on en parle souvent dans le Journal des Sciences, des prépublications qui sont sur ces sites et qui annoncent d'ores et déjà que ça va donner lieu à une publication dans une revue à comité de lecture et qu'il y a une continuité finalement entre les deux et que ça sert notamment à certains scientifiques finalement à tester leurs travaux avant de les envoyer, de les confirmer dans des revues à comité de lecture. Oui, on a eu cette formule au début de la pandémie du monde d'avant et du monde d'après qui était un peu abusive, je pense, à plein de points de vue pour le coup sur la question des modes de publication. Il y a un avant et un après et la pandémie a effectivement à la fois accéléré de manière incroyable le rythme des publications sur ce sujet, notamment chez les grands éditeurs de science. Et je pense qu'ils ont compris définitivement qu'en fait si on publie vite, il peut y avoir des erreurs, mais on peut les corriger en fait, même et sans forcément que ça nuise à la réputation de ces institutions là. Donc là, le mouvement est lancé et il n'est pas forcément, je trouve que ça se fait. Il y a eu l'affaire The Lancet qui a été très très médiatisée pour de bonnes mais surtout de mauvaises raisons. Je pense qu'il y a un vrai mouvement qui pousse l'association Couperin à parler carrément de 100% d'archives ouvertes d'ici quelques années. Pour elle, c'est vraiment un chemin forcé que seront obligés de prendre les revues officielles à suivre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la vitesse de diffusion de ces articles-là, plus de 2 millions aujourd'hui. On avait consacré une émission justement à cette question de l'open access et une émission qu'on avait intitulée la fin des revues avec un point d'interrogation. On vous a mis le lien, comme d'hab, sur notre fil Twitter. On va passer à notre deuxième sujet du jour. Merci Blaise. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlions hier à ce micro avec l'estimable Marc-André Sellos des sols et du mauvais sort qu'il leur est fait depuis que l'agriculture intensive a recours massif aux intrants et aux pesticides. Et si l'une des solutions pour sortir de ce modèle passait par l'odorat, non pas le nôtre, Olivier, qui est finalement assez rudimentaire, mais par l'odorat des insectes. Oui, c'est le sujet d'un papier qui est à lire dans le numéro actuellement disponible de Science et Avenir, un papier de notre journaliste spécialisé sur ces questions, Loïc Chauveau, et qui est allé voir un laboratoire dans les Yvelines, du côté de Versailles, laboratoire de l'INRAE, dans lequel on travaille sur un modèle animal particulier, un insecte, un papillon qui s'appelle la noctuelle du coton. En latin, son petit nom scientifique, c'est Spodoptera littoralis. Alors, c'est un insecte qui n'existe pas encore en France, mais on le trouve sur le bassin méditerranéen. Et il ravage des cultures, quoi. Hein. Il mange le maïs, la pomme de terre, la tomate. Et donc, la problématique, c'est de savoir comment fonctionne son odorat pour essayer de le contrer. Et alors, comment ça fonctionne l'odorat d'un insecte, puisque c'est évidemment, on imagine, très très distinct de ce que l'on peut trouver chez les mammifères et les vertébrés? Alors, il y a des différences importantes, effectivement, mais à la base, il y a une philosophie, si je puis dire, qui est commune, c'est-à-dire que l'odeur qui existe dans la nature va suivre un cheminement qui est finalement commun à toutes les espèces terrestres. Et du côté des insectes, et comme du côté des mammifères, il y a des récepteurs olfactifs. Et ce récepteur olfactif, il va être associé à un neurone qui lui-même va générer le signal électrique à l'intérieur du cerveau qui va être le signal qu'une odeur a été captée. La différence, c'est que chez les insectes, ce récepteur, il fonctionne en binôme avec un co-récepteur, tandis que chez les mammifères, le récepteur va fonctionner avec des protéines qui vont induire tout un processus physico-chimique particulier. Ce qui fait finalement que pour une même finalité et un même point de départ, le cheminement entre les deux est différent. Et donc, on peut mettre au point des scénarios de lutte qui sont orientés insectes, qui ne vont pas avoir d'interférence avec les autres animaux ni avec nous-mêmes. Alors, avant de parler de ces systèmes, en tout cas de lutte qui utilisent les odeurs, peut-être qu'il faut rappeler un peu exactement ce que c'est qu'une odeur, qu'est-ce qu'on perçoit, quelles sont les différences de perception, puisque je l'ai dit, nous, il y a plein d'odeurs que nous ne percevons pas, et heureusement, parce que des odeurs, il y en a partout, il y en a des millions et des millions, et si on percevait tout, on deviendrait dingue. Oui, ça dépend. L'odeur, les scientifiques parlent plutôt de médiateurs chimiques, et ça dépend de l'organe qui joue le rôle de capteur. Hein. Chez l'être humain, l'organe, il est interne, c'est notre nez, c'est à l'intérieur de notre nez. Chez les insectes, comme le papillon qui est étudié par ce laboratoire de l'INRAE, il est externe, ce sont ses antennes. Qui, si on les regarde avec une très grande attention, on se rend compte que ces antennes, elles sont elles-mêmes recouvertes de petites brindilles qu'on appelle les sensiles, qui eux-mêmes sont tapissés de des récepteurs eux-mêmes, quoi, hein, qui sont extrêmement petits. C'est des pores qui ont un diamètre de 0,1 à 0,2 micromètres, et ce sont les portes d'entrée des molécules odorantes. Et suivant le capteur dont on est pourvu ou pas, effectivement, on va pouvoir sentir certaines odeurs ou pas. Mais alors, comment est-ce que ces insectes distinguent finalement les odeurs? Parce que, comme je le disais, la nature est absolument saturée de parfums. Y a-t-il des récepteurs particuliers? Comment finalement ils discriminent ces différentes odeurs, celles qui vont agir, celles qui vont provoquer une réaction et celles qui vont être neutres? Alors, là, il faut voir un petit peu les études qui ont été faites depuis une vingtaine d'années au niveau de la génomique. Hein. C'est assez récent, finalement, hein, qu'on ait pu déterminer quels étaient les outils dont disposaient les insectes par rapport à nous. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une très grande multiplicité, il y a un éventail extraordinaire de récepteurs selon les espèces d'insectes qu'on considère. Par exemple, on connaît les récepteurs de 70 espèces de papillons, 50 espèces de mouches, 20 de fourmis, et les scientifiques se sont rendus compte que on peut arriver jusqu'à 350 récepteurs chez les fourmis. Alors, d'un certain point de vue, ça paraît beaucoup. D'un autre, pas tant que ça par rapport à la profusion d'odeurs qui existe effectivement dans la nature. Mais enfin, ces récepteurs peuvent fonctionner selon des combinaisons particulières. Donc là, on rentre dans les combinatoires. Et ce qui fait qu'ils ont accès à une variété, une subtilité assez grande dans le spectre des odeurs. Des odeurs qui sont émises par d'autres spécimens de leurs propres espèces. Hein. Mais là, on rentre dans la problématique des phéromones, par exemple, des odeurs sexuelles, quoi, hein, qui leur permettent pendant la période des amours de s'apparier, mais c'est aussi une sensibilité inter-espèce, hein, puisque c'est ce qui permet à des insectes d'être attiré par des plantes ou au contraire repoussé par elles. Et c'est là que ça devient intéressant justement dans la lutte contre les parasites, parce que c'est en utilisant et en manipulant ces COV, hein, ces composés organiques volatiles, qui est finalement le nom scientifique de ce qu'on appelle les odeurs, pour protéger les plantations et pour finalement repousser les insectes. Oui, alors c'est justement ce champ d'expérimentation qui est explicité dans ce papier de Loïc Chauveau, qui semble nécessaire d'un certain point de vue, parce que vous l'avez dit, le phytosanitaire, ça a créé une hécatombe hein, dans les rangs des insectes. On estime que dans les 30 dernières années, c'est un quart de la population des insectes qui a disparu à cause de la chimie quoi, hein, qui est utilisée. Et de toute façon, il est nécessaire de changer de braquet parce que d'ici la fin de la décennie, l'agriculture devra diminuer au moins de moitié son usage de la chimie. Donc il faut trouver d'autres instruments et le champ des odeurs est intéressant. Alors il y a des pratiques qui paraissent assez naturelles et presque faciles hein, qui consisteraient à dans des champs de culture à planter des plantes répulsives par rapport aux insectes ravageurs et pas aux autres hein, au milieu des cultures et des plants plutôt attracteurs à la périphérie hein, vous voyez comme ça géographiquement on peut éloigner ou attirer. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées hein, comme par exemple des sortes de diffuseurs de phéromones qui vont provoquer une sorte de bazar hein, à la période des amours, de confusion sexuelle l'expression est belle et je crois qu'il faut l'utiliser et c'est utilisé notamment dans la vigne, hein, puisqu'il y a une certaine espèce de papillon qui sont des larves au début de sa vie, qui s'appelle le tordeur des cultures, hein, c'est un nom aussi un peu particulier. Et avec des résultats incroyables, hein, 85% des insectes récoltés, du coup, permettent de lutter efficacement contre ce type de parasites. Oui, ça semble être une approche assez vertueuse. Alors le problème, c'est qu'elle coûte beaucoup plus cher à l'heure actuelle. C'est toujours la même histoire, mais enfin, on marque des points là dans un champ qui est assez stimulant. Et puis on avance surtout puisque les surfaces traitées sont passées de 20 000 hectares en 2010 à 145 000 en 2021. Voilà, ça paraît encore assez rikiki hein, par rapport à une surface agricole utile totale qui est de l'ordre de 27 millions d'hectares. Mais quand même, c'est un pas en avant. Eh ben, on avance et on lit ça dans Le Science et Avenir de ce mois de mai. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Dernier dossier de ce vendredi, vous allez voir qu'il n'y a pas que les insectes que l'on trompe par les odeurs pour le bien commun, on trompe aussi les ordinateurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et on en a déjà parlé à ce micro, ce terme d'intelligence est certainement un peu galvaudé pour parler de techniques d'apprentissage machine qui n'ont finalement rien de très intelligent et l'une de ces techniques, Loïc, montre que tout compte fait, il est facile de tromper un ordinateur, on peut tromper 1000 fois un ordinateur, on peut faire les deux en fait. Oui, voilà. C'est effectivement un des articles de ce dossier consacré à l'intelligence artificielle que nous publions. Et pour le coup, le dossier est effectivement là-dessus, quoi. Un petit peu les limites de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut espérer et ce sur quoi on butera toujours parce que ça sera jamais accessible demain. Et effectivement, il y a tous ces systèmes d'intelligence artificielle fondés sur des méthodes statistiques où, donc on parle aussi d'apprentissage profond, où on va fournir un algorithme dont l'architecture calque un petit peu des réseaux de neurones que ceux de nos cerveaux, par exemple. Et on va les alimenter, ce qui est possible aujourd'hui, avec des quantités d'images, par exemple, que ce soit des lettres ou des chats ou n'importe quoi. Et ensuite, finalement, apprendre à l'algorithme à... à se prononcer, est-ce que ça. Et ensuite, à pouvoir lui proposer une nouvelle image. Et on espère que l'algorithme reconnaîtra un chat ou une parce qu'on lui aura donné 10 000 images de chats. Quand on vous demande si vous n'êtes pas un robot et qu'il faut montrer des images de feu rouge ou de vélo, par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais vous apprenez à un algorithme reconnaître des images de feu rouge et vous participez à l'apprentissage machine. Effectivement, c'est ce que raconte Antonio Caselli super bien. Oui. Voilà. Et donc depuis quelques années, en fait, on s'est rendu compte que ces algorithmes étaient facilement piégeables. Ils sont vraiment très loin d'être robuste et ça date de 2014. On a commencé à finalement traiter des images et à essayer de les modifier de façon vraiment imperceptible ou presque pour l'œil humain et au final l'algorithme se trompe mais complètement quoi. Donc dans l'article de Jean-Paul Delahaye de l'université de Lille, on a plusieurs exemples où effectivement un seul pixel rouge sur une image de cerf et ça devient un avion pour un algorithme. Mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, on a un peu de mal à expliquer, mais on a on pense que l'algorithme finalement va obtenir une sorte de généralisation d'un concept comme chat ou image ou chat ou cerf ou n'importe quoi. Une étiquette. Pardon? C'est une étiquette en fait. Voilà, quelque chose. Il va faire qu'effleurer l'idée finalement, et il suffit ensuite de jouer sur cette généralisation et de proposer quelque chose qui finalement s'inscrit dans la marge d'erreur pour ensuite faire tomber l'algorithme de reconnaissance, quoi. Et donc pour le coup, ça offre des solutions pour s'en sortir. En fait. Et alors justement, comment est-ce que on peut, qu'est-ce qu'on apprend finalement de cette facilité que l'on a à tromper les algorithmes d'apprentissage, et comment finalement en apprenant à l'algorithme à se tromper, on lui permet de ne plus se tromper? C'est-à-dire qu'on peut tromper mille fois, etc. Une des premières idées pour renforcer finalement la performance de l'algorithme, c'est de lui soumettre aussi, outre les milliards d'images qui l'ont alimenté dans une première étape, lui fournir des images dites piégeuses, quoi, des images piégées. Et là aussi, il va remodeler ses paramètres pour ne plus se faire piéger, en somme. Il y a d'autres techniques aussi, par exemple, tout à l'heure je disais que finalement ce qu'apprend un algorithme, c'est une sorte de généralisation d'une image. Et en fait, c'est exactement ce que font des algorithmes de compression d'image, par exemple. C'est pour alléger le poids d'une image, l'algorithme de compression va simplifier l'image, et donc on peut aussi très bien imaginer nourrir des algorithmes d'apprentissage profond avec ces images compressées pour à nouveau le rendre plus robuste et l'empêcher de se faire piéger plus facilement. Donc on est dans un schéma très connu en biologie, qui est une sorte de course aux armements, quoi. On trouve une faille, on va trouver de quoi la combler, et ce sera sans doute source d'une nouvelle faille, et on va avancer comme ça pour des trucs de plus en plus solides. On apprend aux algorithmes à se tromper, à reconnaître finalement leurs propres erreurs. Ça a un nom, hein, ces erreurs des algorithmes. On parle de surajustement. C'est une des hypothèses pour expliquer comment on peut piéger finalement facilement un algorithme. Mais je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, à effet. Et ce que raconte Jean-Paul Delahaye, c'est que une des explications un peu plus plausibles de ça, c'est vraiment cette histoire de généralisation, par exemple, qui fonctionne avec les algorithmes et sur laquelle on peut, nous, jouer pour renforcer la robustesse. Quoi d'autre dans ce dossier sur l'intelligence artificielle, Loïc, dans votre numéro ? Par exemple, on peut un article sur la voiture autonome, et donc on peut tout de suite prévenir nos auditeurs que c'est pas pour tout de suite, en tout cas. On pourrait résumer le numéro par prouesses et promesses, quoi. Donc par exemple les derniers succès de l'intelligence artificielle, par exemple dans ce qui est la prédiction des structures tridimensionnelles des protéines, ça c'est fabuleux. Même si on est encore loin de pouvoir faire des choses, il y a encore des failles, des problèmes à résoudre, et c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème de généralisation. Mais il y a des compétitions, comme souvent en intelligence artificielle, pour prédire à partir d'une séquence la structure tridimensionnelle d'une protéine, et c'est de plus en plus performant. C'est l'un des grands problèmes informatiques à résoudre. Ce sont des problèmes extrêmement complexes, et c'est notamment pour résoudre ce type de problème que l'on attend beaucoup des ordinateurs quantiques. Merci beaucoup à tous les trois. La une de Ouzbek et Erika Blaise-Mao. 60 pages de dossier sur l'amour comme grand projet politique du siècle, avec aussi de l'utérus artificiel dedans et quelques perspective scientifique. Un très joli numéro sur l'amour, qui fait du bien, un peu d'amour en ce moment. Loïc Mangin, à la une pour la science. Donc le hors-série consacré à l'intelligence artificielle. Et sur le mensuel en ce moment en kiosque, et sur les mathématiques, on est sur une thématique assez proche. Est-ce que l'ordinateur va un jour détrôner l'être humain dans les mathématiques ou pas ? La réponse est non. Olivier Lascar. Alors la une de Science et Avenir, c'est les arbres gardiens de la Terre. Et un projet à venir dans quelques semaines. Et oui, un beau bébé. Merci Nicolas, un beau bébé. Oui, alors mon livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, ça sort le 9 juin, c'est édité par Alizio Science. C'est déjà en précommande. Et c'est une exploration d'un point de vue scientifique des réalisations de Musk et de ses promesses, expliquer quand ça marche, pourquoi ça marche, et quand ça marche pas et que ça pourra jamais marcher, Pourquoi? Eh bien, vous viendrez nous en parler plus longuement. Merci beaucoup à tous les trois. C'était Florent Bujon à la technique aujourd'hui. Et comme d'habitude, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France et en réécoute sur le tout nouveau site franceculture.fr. Et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.